Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est les Palmarès, c'est fou. Bonjour, bienvenue au Palmarès, c'est fou pour la semaine du 12 au 25 mai 2013. 2014, c'est écrit 2013 sur ma feuille, je lis en autopilote, moi, le 2013, franchement. Donc, c'est l'édition francophone cette fois-ci. On va faire tout l'été francophone, une semaine et anglophone l'autre semaine. Bien sûr, on est en francophone, là. Et on va entendre les nouvelles entrées pour commencer cette heure condensée de Palmarès, c'est fou. Avant de vous dire les nouvelles entrées, par contre, sachez que la semaine passée, le numéro 1, ou en tout cas dans les précédents Palmarès, c'est difficile, hein, c'est aux deux semaines. Vous avez remarqué, 12 au 25 mai, c'est une période plus qu'une semaine. C'est bien, bien maintenant pour tout le monde. Donc, la dernière fois, c'était Jacques Mare et Père Hippie qui étaient en première place. On va savoir d'ici la fin de l'heure si ça tient. Avant ça, par contre, les nouvelles entrées. Plus tard, on entendra Carl-Éric Hudon ainsi que Canaille. Mais on va débuter en 20e place francophone. Voici Caravane et Minuit au Palmarès C'est fou sur le 89.1 FM. Champion, je me vois pas tellement courir après l'action. déchiquetés, puis je les recrache en confetti. Alain Cudon et notre propre roulette russe en position 18, nouvelle entrée francophone sur l'album Nous étions jeunes, c'est son plus récent. On connaît quand même Carl Eric Hudon assez fou depuis pas mal d'années, entre autres avec Hudon Placard. Avant Canaille, avec Marathon en 19e place sur l'album Rond-Point, un nouvel album pour Canaille. Ça faisait quand même plusieurs chansons qu'on entendait dans le palmarès, mais voilà un extrait sur un vrai CD officiel. Et au tout début du bloc, c'était Caravane, nouvelle entrée en 20e place, Minuit, et le nom de cette pièce sur l'album Chien Noir. Et Caravane, je ne connaissais pas, né à Québec et élevé au rock des Stones, Led Zepp, AC/DC. On dirait une pub de rock classique jusqu'à maintenant. Pagliaro et compagnie, les quatre gars derrière Caravane, livrent en français une dalle de rock blues teintée de folk qui trouvera vite sa place aux côtés des White Stripes, Black Keys et Gaslight Anthem de ce monde. Jeune loup dans la vingtaine, voilà, pour ces gars de Caravane. Avant de continuer avec le reste, hein, quand même, pour le reste des palmarès, on va rest in peace plus. Hein, c'est plus ce qu'on fait quand on dit au revoir à des chansons, parce qu'on a 6 nouvelles entrées. On entendra les 3 anglo la semaine prochaine. Mais il y en a eu 3 franco en ce début d'émission. Donc on dit au revoir à 6 pièces. Voici Palmer Rest in Peace. Just mountains of change. Voici les pièces qui ont quitté les palmarès depuis la précédente édition. Un petit bout avant de le réaliser, mais pour vrai, c'est pas correct de faire ça parce que je coupe un bloc qui était préparé, mais je suis en train de pas vous mettre le bon. Donc, on va vous mettre le bon bloc Palmer Rest in Peace. Surtout, c'est parce que ça fait comme 3 fois que je le joue celui-là, fait qu'à un moment donné, on stand un petit peu. Donc, on va juste continuer avec nos palmarès réguliers. On reviendra avec notre petit bloc Palmer Rest in Peace tantôt. Je m'excuse, c'est vraiment de ma faute complètement. Donc, on enchaîne avec le prochain bloc des palmarès. On saute par-dessus la 17e position qui est Catherine Leduc et les vieux hiboux sur l'album Rookie parce qu'elle est là depuis 6 semaines. Donc, on lui laisse une chance de se reposer un petit peu. On va l'entendre les 16 et 15 parce qu'elles étaient nouvelles dans les précédents palmarès. Plus tard, il y aura Dog Wave et Crow Croc. Mais avant ça, en 16e place, ça monte de 4. Voici Clément Jacques qui est dans nos cœurs. Au palmarès, c'est fou. Doug Wave et Cro-Cro, C-R-W-C-R-O-C, précédé de Clément Jacques avec Dans nos cœurs en 16e position, donc les 15 et 16 qui étaient les nouvelles entrées la semaine passée. Tantôt, on écoutait trois nouvelles entrées du côté franco et il y a trois nouveautés anglophones qu'on va entendre la semaine prochaine, mais quand on accueille six nouvelles pièces, ça veut dire qu'il faut faire Palmer, rest in peace! Voici les pièces qui ont quitté les palmarès depuis la précédente édition, pour vrai. Des pièces qui ont quitté les palmarès C'est fou depuis l'édition du 28 avril au 11 mai 2014. Donc, le premier palmarès sur deux semaines de l'été. On a commencé avec Charlie Foxtrot et La mémoire courte qui a duré 7 semaines. Ensuite, Mardi noir et Palais de Mélamine, 8 semaines. Les Hey Babies, Fil de téléphone, 6 semaines. Pif Paf Hangover avec 12 Pack qui a duré 8 semaines. D'ailleurs, Pif Paf va être de retour du côté anglophone la semaine prochaine. Haim avec Falling qui a duré 7 semaines. Très regretté. Et Pie Pie avec Pagan Day, 12 semaines. Pas un record, mais quand même remarquable. Et Pie Pie va aussi de retour dans l'édition anglophone la semaine prochaine au Palmarès C'est fou. Voilà pour Palmarès in Peace. On fait ça chaque semaine juste après avoir dit au revoir, après avoir accueilli nos nouvelles entrées. Faut dire au revoir. Voilà, c'est ça. Maintenant, on continue avec les positions 14 et 13. On reste dans les nouvelles entrées des précédents palmarès pour leur donner une petite chance de monter. En 13e, tout à l'heure, ce sera Ariel et l'heure de la dose. Mais avant ça, voici Philippe Braque et Le matin des raisons qui monte de 4 places. Pas mal assez fou sur les 89 FM. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. 13. Tu reviens de l'hôpital. On t'a dit t'es pas normal. Des araignées, des étoiles. Gloire au divin diagnostic. Simple désordre chimique, 10 minutes et tout s'explique. La solution, un petit bonbon et deux désordres. Fils, fils, à chanter, tout est horrible. Se met à chanter. La dose. Les corneilles se Ariel et l'art de la dose en 13e position francophone sur l'album Fauve. D'ailleurs, restait un petit bloc Francouverte, hein, parce qu'Ariel avait gagné la 13e édition en 2009 des Francouvertes. Ça a beaucoup changé depuis, parce que juste avant, j'ai entendu Philippe Braque avec le Matin des raisons qui montait de 4 places. Et lui vient de gagner les Francouvertes édition numéro 18, qui vient tout juste de se terminer. En fait, c'est terminé le 12 mai. Il a gagné contre Deux Pouilles en Cavale et Julie Blanche. Je connais pas Julie Blanche, mais Deux Pouilles en Cavale, j'aimais quand même bien. Mais en même temps, Philippe Braque, j'aime pas ça. Donc, on dirait que ça a changé le son des Francouvertes, parce que j'aime vraiment pas ce numéro 1-là. C'est bien malheureux. D'autres affaires qu'il y avait aux Francouvertes cette année, je connais pas grand chose. J'avoue que c'est très, très, très, très underground. Encore plus underground que ce qu'on fait au palmarès d'habitude. Mais je connaissais nos amis de Summerland. J'aime beaucoup ce que Summerland font. Et Mathias Mental aussi. Donc, il y a pas quelque chose comme ça. Allez voir. Marc-Antoine Larche était là aussi. Il a pas gagné. Maritza, anciennement de Star Academy, était au Francouverte cette année. Elle a joué le 24 mars. Bref, allez voir francouverte.com. C'est présenté ça par SiriusXM. Donc, SiriusXM présente Francouverte 2014. Vous êtes au premier assez fou. On continue avec notre version condensée d'une heure. On a vraiment beaucoup moins de temps que d'habitude. Donc, on doit se propulser jusqu'au sommet, presque. Il nous reste encore le temps pour un petit bloc avant ça. On va entendre des choses qu'on avait sautées dans la précédente présentation des palmarès francophones. Donc, on va entendre Clopel Gag. Étrangement, d'habitude, je la saute. Elle monte de 3 places. Elle est là depuis 4 semaines. Mais avant ça, voici Alexandre Desilets, qui lui aussi est là depuis 4 semaines. Ça monte de 3 aussi. Fancy Ghetto. Au palmarès, c'est fou. Le condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. Sur le passif d'un resto des plus bons. Jamais à ma place dans ce fancy ghetto. Mais je viens pour celle dont je suis fou allié. Seul dans mon coin, elle admire de loin. Je vois en son nom, elle qui ne connaît pas le mien. De toute façon, pourquoi elle s'en rappellerait de ce pauvre diable? Personne se souvient. Je suis pas assez beau. Fleur, le cœur en dimanche. Et non, je n'ai plus peur et me décide à lui parler. Mais devant le bar, la garde est si rapprochée que plus je m'avance, plus j'en suis éloigné. Pourquoi ses yeux, je ne puis être l'âme, ça. Je suis invisible et ça fait mal au cœur. Mais c'est ma reine et je suis prêt à tout. Mais ce pauvre diable, pas assez beau pour que tu m'aimes. Ne trouve pas les mots. Quasi Quasimodo défend sa reine. Mais n'est pas assez beau. Pas assez cool pour elle. De toute façon, annoncer? Comme le sang caille au creux de mes peines, l'enfer est un lit où reposer mes veines, troué au hasard, au rythme de mes plaintes. J'ai castré le vide, construit le labyrinthe. Pelgag et Tunnel, 11e position francophone, ça monte de 3, 4e semaine de présence sur l'album L'Alchimie Monstre. Avant ça, on a entendu Alexandre Desilets et Fancy Ghetto qui montaient de 3 dans les palmarès francophones. Maintenant, ça va être le moment de sauter par-dessus plein de choses parce que l'heure se termine dans une quinzaine de minutes. Donc, on saute par-dessus les positions 10 à 4. En 10e, c'est On a créé un monstre et la fatigue. En 9e, Brel Ferré de Garbory. 8e, Ornithologie 1 de Philippe B. 7e, Stable, Je m'engage de Pépé sa guitare. 6e, ça monte de 2 derniers jours de Hôtel Morphée. En 5e, Nuit blanche de Mange l'ours mange. Et finalement, en 4e place, Mordicus avec Ma grande gueule. On essaiera de revenir au moins une de ces pièces-là d'ici la fin de l'émission. Mais on saute au top 3. Donc, en numéro 1, évidemment, je vous dis pas ce que c'est. En 2e, Radio Radio avec 50 Shades of Beige, Stable. En 3e, Stable aussi, voici Fontarabie et Forcé. Ou quitter tout de suite au palmarès, c'est fou. Yeah.

top pro du palmarès francophone pour la période du 12 au 25 mai 2014. On vient d'entendre en première place Jacques Maure avec Père Hippie qui est stable. Même chose pour Radio Radio avec 50 Shades of Beige en deuxième. Et même chose pour la troisième place, Forcé ou quitté de Fontarabie. Tout reste à la même place. Pas de changement possible. C'est barré, c'est là. C'est comme ta valise au banquier. Quelque chose du genre d'analogie de marde de même. Voilà donc pour l'édition francophone. On va se retrouver la semaine prochaine pour l'édition anglophone. Toujours dans la même case horaire, les jeudis, entre 14h et 15h. Après nous, c'est Assemblage requis avec moi-même. Restez là. On repasse les samedis à partir de midi avec Assemblage requis et ensuite à 15h. Les palmarès assez fous. Après nous, c'est Précieuses ridicules. Et finalement, les lundis, on va être entre 14h et 18h. Encore une fois, Assemblage requis, palmarès assez fous. Suivi de Raconte-moi ta ville dans quelques instants à 18h. On a le temps de se quitter avec une dernière pièce qu'on a sautée tantôt. C'est la cinquième place, Mange d'ours mange avec Nuit Blanche, un classique. C'est dans la publicité des palmarès assez fous. C'est tellement bon qu'on aime ça, on aime l'éliminer en pub. Donc voilà, c'est fou.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. À la semaine prochaine. Bye! C'était tellement fantastique. Maintenant pour être honnête, c'est dur pour le physique. J'ai toujours le problème, je ne veux jamais arrêter. C'est magnifique quand même, surtout pendant l'été. On a toujours des fêtes avec des invités. Ils ne pensent jamais arrêter, ils veulent toujours continuer. Après c'est tellement grave, les gens le regrettent. C'est comme les marécages, quand tu vas avancer. Tous les jours des fêtes, oui c'est excentrique. Je dis vive la fête, pour être héroïque. Mais qu'est-ce que nous faisons, tout le monde est fatigué. C'était très amusant, et les gens ils veulent rester. Ils n'aiment pas le potage, ils n'aiment pas le café. Ils ne pensent jamais arrêter, ils veulent toujours continuer. C'est tellement grave, les gens le regrettaient. C'est comme les marécages, quand tu vas avancer. Et moi j'ai pris ma tête dans mes mains et j'ai pensé. Pourquoi j'ai fait cette fête pour tous ces invités? Tous les jours des fêtes, oui c'est excentrique. Je dis vive la fête, pour être héroïque. Ces invités, tous les jours.